flame. Je t'aime, t'aime. mais le plus beau, le plus enivrant. Exquise, esquisse, délicieux enfant, mon cher et mon sein. Allô, ça va bien, Coco. Yonès. Êtes-vous Yonès? Coco. J'en ai connu un coco, moi. Coco, j'ai planté. Coco. Oui. Alors, ce soir, il y a Yonès. Coco. Attention, Facebook veut mettre... Vous allez comprendre. Calmez-vous, tranquillement. Il faut sécuriser notre public. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous allez rester tranquille, madame. Arrachez pas votre linge de même, là. Vous êtes hystérique? Non, je suis boulimique. Ah, mon Dieu. Une hystérique boulimique. Attention, Facebook veut manipuler vos informations. Mangez mes mots. Mais c'est ce que je fais depuis 2h30. Rajoutez de la sauce. OK, c'est plus gras. Ça va péter. En fait, vous allez péter. Péter de 45 livres en 2 minutes, là. Oui, monsieur, mangez. 2 temps, c'est quoi, non? Je mange des bleus. Je mange des bleus. Des bleus, des roses, des bleus de tapis. Non, des fois, je mange. Angèle Arsenault. Y'en a qui peut-être, moi, je mange. Y'en a qui pète des vitrines, moi, je mange. Y'en a qui agrément, moi, je mange. Moi, je mange. Quand j'ai nous, moi, je mange. Attention. Allez, mon homme, moi, je mange. La société. La société des pirates est en l'air. Voici Robespierre. Attention. Facebook, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit rien. Il n'a jamais rien voulu lancer comme réflexion. C'est un toto-pompon. Alors là, on veut faire la chanson toto-pompon. Allez-y tout le monde ensemble. Ici, Madame Tremblay. Avez-vous le réverbère? Oui, on l'a ici. Toto Pompon. Les gens voudront plus me parler. Toto Pompon. Toto Pompon. Ça ressemble à Cape Fear. Qui? Cape Fear. Les nerfs à vif. Le cocu. Comme tous les cocos, les perroquets sont cocus. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Comment faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Non, c'est pas celle-là que je veux faire. Là, c'est l'autre. Là. On y va. L'autre. Le moment s'invite à nous pour un élan rénadien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce filarian narratif. Et là, vous allez comprendre pourquoi je dis... Coco. L'opératrice chauve. Ça comprends-tu, toi, là? L'opératrice chauve. Coco. Ionesco. Coco Ionesco. Coco. Oui. Au début, la belle dame avait des cheveux touffus. Comme le caniche croisé... Non, c'est quoi? C'est Yorkshire croisé caniche. Il était fier, mon Yorkshire Tony Crazy, Tony Crevis. Il chantait du rock and roll. Il faisait... incroyable. On avait fait une tournée à Memphis. Puis je disais à mon Benjo, parce qu'il s'appelle Benjo, je disais, hey, Benjo, avec nous, on va faire du bidou. Là, à un moment donné, l'opératrice, qui était mon impresario à l'époque, voyait d'un bel œil notre avenir, moi puis Benjo. Benjo, les petits Benjo. Donc, on a commencé à fouler les États-Unis. Plus on foulait, plus elle rapetissait. Puis elle se tirait les cheveux. Elle avait des belles touffes de cheveux, là, comme mon chien. Là. Et là, ces arrachés, on fera pas d'argent. Tu chantes pas, chien-là, il hurle. Hey, ce chien-là, là, si t'arrêtes d'hurler, il va arrêter d'hurler. Si tu te mets à chanter, il va chanter. Si tu chantes pas, ben, c'est pas mon problème, voilà. Mon succès dépend de toi. Et nous, c'est-à-dire moi et Banjo, nous sommes unifiés par la voix sacrée de la création. Ben, j'ai dit, il est malade. On va appeler son médecin de famille. Médecin de famille, il n'y en a pas. Médecin de famille, il n'y en a plus. Médecin de famille, il n'est plus là, il est mort. Médecin de famille, il est mort. Comment un médecin peut mourir? Là? Les médecins qui prêchent la vie éternelle. Ben oui, tu arrives dans un hôpital puis tu dis, hey, écoute, on veut avoir une mort décente, là. On sait qu'il n'y en a plus pour longtemps. Ah, nous autres, on est des... Non. Nous, on amène la vie, on peut pas tuer. Hey, monsieur, il va mourir. Ben, on sait qu'il va mourir, mais en fait, nous, on est là pour le faire vivre. Écoutez, monsieur, là... Je suis pas un monsieur, je suis un médecin. Monsieur médecin, oui, c'est moi. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dans le respect de l'être, l'amener tranquillement vers la mort? Non, moi, c'est la vie. Écoutez, monsieur, vous comprenez? Je comprends pas. Vous êtes bouché. Nous sommes bouchons. Vous bouchez. Je débouche. Arrêtez de déboucher. OK. Alors, vous comprenez pas? Non. C'est un homme qui va mourir. Oui. Pouvez-vous l'amener respectueusement vers la mort? Non. Pourquoi non? Je suis un homme qui amène la vie. Vous n'êtes pas un homme, vous êtes un médecin. Un homme médecin. Un homme médecin, oui. Je suis un homme médecin qui amène la vie. Puis la mort. Ah, c'est pas pour moi la mort. Allez-vous mourir? Jamais, moi, le chemin, il y a d'or. Depuis quand les médecins meurent? C'est vrai, ça. Mais mon médecin de famille, il est mort. Il n'est pas mort. Il a trépassé. Oh, OK. Alors vous ne mourrez pas. Mais vous allez aller ailleurs. Je vais aller vers les allées. La vallée des avalées. Régent Duchamp n'est pas loin, là, hein? Il faut être dans les poubelles pour faire des créations, lui, là. Alors, l'opératrice, quand elle voyait qu'on faisait pas une scène, elle s'étirait les cheveux, elle s'amenait vers les mains, puis là, elle s'enlevait, là, avec beaucoup de rogne en disant « J'ai perdu ma vie! » Tranquillement, elle est devenue chauve. C'est pour ça qu'on l'a appelée solennellement. Solennellement, ben, en fait, d'une manière très sage. Sans vouloir non plus lui tisser des faux cheveux. En fait, une perruque, parce qu'elle n'a jamais voulu être artificielle. Elle a dit, moi, je suis synthétique. Alors, vous êtes artificielle. Non, je suis synthétique. Mais si vous êtes synthétique, vous êtes artificielle. Et calme-toi, mon champion. Oui, OK, je suis très calme, là. J'ai pris ma formula, OK, derrière les aisselles. Et je me sens comme Zezel Washington, moi, là. Comme Carla, je brunis. Et plus je brunis, j'amène la censure. On la sent, la censure. Mais c'est bien de la sentir. Parce que le jour où on ne sent plus le fait de se couper, on est loin d'être devant la réalité. Coco. Coco comme Younes. Coco. Connaissez-vous Younes? Coco. Oui. Younes Coco. Younes Coco. Nous a pondu l'opératrice. Chauve. Es-tu certain que c'est l'opératrice? Je suis pas loin de la réalité, mais j'embrasse la rénalité. Amène les mots et je saurai les dévier. Je l'avertis, Cabral, moi. Oh oui, mais on continue. Non, on s'arrête là, on continue. Ben, on s'arrête ou on continue? Nous poursuivons. Là, je sais que le public a entendu un court monologue d'introduction. Ensuite, on est arrivé dans une structure tout à fait saisissante. Et, comme par magie, ça c'est de la magie, on se retrouve à vous dire qu'aujourd'hui, le vendredi 23 août 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Pas besoin de boussole. Bobo. Bobo reste debout, je suis Bobo, ça m'appelle Bobo, je suis debout. Garde à bout, je suis à bout. Le nain, je n'ai plus un copec. Ah là, très cher, puis-je vous retracer comme ça aussi sec? Où fluis-je et où suis-je? Fluis-je ici ou assise? Sur la lune, à côté de Badaboum. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la chanteuse Belen Ferris. Belen Ferris est une personnalité multiple. On est d'abord impressionné par une fille pleine de classe, allure mannequin, puis on découvre des éclats de rire, une grande spontanéité et de l'humour. Elle ne mâche pas ses mots, mais elle les dépose sur des mélodies populaires qui trottent dans la tête. La scène, elle adore. Que ce soit dans l'ambiance feutrée des pianos-bars du quartier latin ou au milieu des musiciens du Café Fou, animée par un esprit de troupe, ce qui la caractérise, c'est la générosité. Son premier album de 2 titres, extrait de son futur album Version érotique, est le fruit de rencontres artistiques au sein de Bestaven Productions, dont elle est l'érigée. L'égérie. J'ai de la misère avec ce mot-là, ça fait 2 fois. Là. La semaine dernière, c'était... Excusez-moi. Pop mode, pot moon. Pot de moon. Descend la lune. C'est quoi là? Pot moon, pot moon. Pop. Mood. Non, c'est pas monde, c'est mood. Maudite marde. Alors, chanson d'humour en français, mais aussi en anglais et en espagnol. On tombe sous le charme de ce cocktail détonnant. Et puis, je représentais ce texte qui n'est pas à la mesure de ma bouche. Non, c'est ma bouche qui n'est pas à la mesure de ce texte parce qu'il est gracieux, rempli d'émotion et consistant à soi. Je répète, à partir de pop mode. OK? Pop mode. OK, allez-y. Pop mode, chanson d'humeur en français, mais aussi en anglais et en espagnol. On tombe sous le charme de ce cocktail détonnant de glamour et d'exubérance. En juillet 2012, Errance Reynaldienne se trouvait là, un œuf en or, j'aurais besoin d'un nouveau micro à 350$ et 18 cents. Fait que si je peux en pondre en or 14 carats, ça me rendrait beaucoup de moins d'embarras. 14 carats, moins d'embarras, comprends-tu? Non. Voyons donc, embarras, carats, on évalue l'or au carat. Carat, j'ai rien vu passer, moi. Mais non, toi, le jour où tu vas voir quelque chose passer, là, va être trop tard. Ça risque d'être déjà à des mille et des mille. Des mille, je suis triste. Des mille, je suis triste. Oh, je peux plus comment t'aimer. Oh, j'ai toujours... C'est la fin. Envie de t'aimer. Le succès. En juillet 2012, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette fille lumineuse, remplie de passion. Un voyage chargé. On va décharger. Merci, monsieur. C'est par où? C'est par là, à gauche. À gauche, on décharge à gauche. Oui, merci. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous envoûter? Oui. Alors, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme reynaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant la zizique. En avant! Oui, monsieur! Partons, la musique est belle, embarquons-nous aux pêcheurs. Empty, and so are you. urbain, c'est quelque chose. Ah bah c'est très urbain, bah ouais. Là, non, là, on peut pas avoir plus urbain, non, là. Voilà, c'est ça, on est en plein dedans. Une petite interview dans le métro la prochaine fois si tu veux. Bah, j'ai déjà, bah, j'ai, avec Marcel Lamont, je l'ai fait dans sa voiture. Ah oui. Ah ouais, c'était c'est ça avant-hier. Excellent. J'ai 10 questions. Oui. De la fin, si tu étais un liquide. Un liquide. Oui. Oh, du sang. Pourquoi ton côté vampire, ton côté... Vampire, je sais pas si j'ai un côté vampire, mais un liquide, charnel, je serais du sang, ouais, c'est le côté charnel, le côté le sang qui bouillonne, qui peut-être. Ah ouais, qui... C'est mon côté méditerranéen, peut-être, okay. Je sais pas, je pense que je serais du sang, ouais. Ok. Si tu étais une ville... Une ville? Ouais. Ben, j'ai envie de te répondre Paris, forcément, tu vois, ah ouais. Là, ça, c'est magnifique, ah, ça, ce écoute, qu'on entend. C'est... Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est... une œuvre symphonique, dur à battre, dur à battre. Puis en, ça sert strictement à rien de klaxonner parce que le gars peut pas. Le mon compositeur arrangeur te dirait quelle note de musique ils sont en train de faire avec ah les oui, klaxons. Ah ouais, il ouais, arrivera ouais. à te dire là c'est un mi, là c'est un sol. Ah là c'est ah, c'est le silence. Ah c'est ah ça ah, fait ça, du bien ouais, quand même quand ouais. ça s'arrête. Si tu étais une langue, allez, ben. Alors, est-ce que la langue parlée ou tu parles d'une langue de bœuf? Une langue. Ben, Dreyfus a dit il y a 2 ans, une langue de porc, parce qu'il adore le cochon. Donc, moi, je serais... alors, j'ai envie de... Je suis partagée, là. Une langue, je te dirais la langue française, parce que j'écris en français et que j'adore jouer avec les mots. Et que c'est une des plus belles langues, enfin c'est la plus belle langue qui soit pour écrire des, je trouve en tout cas, sans chauvinisme aucun ou sans vraiment, c'est en toute objectivité, c'est une des plus belles langues vraiment qui soit pour écrire des chansons parce que la langue française tu lui fais dire ce que tu veux. Ouais. Il y a des jeux de mots, il y a des consonances, il y a des sons, il y a une musicalité qui est très agréable. Aimes-tu travailler sur la métaphore? Aimes-tu amener le ah oui, double sens de... Ah j'adore ça. C'est vraiment un de mes penchants, justement, quand j'écris, c'est de dire parfois 2-3 gros mots et puis de faire de... Un côté poétique, tu sais qu'il y a un côté poétique dans le mot connard ou dans le mot merde. Il y a un côté poétique aussi. Oui, effectivement. Ça dépend comment tu l'apprêtes. Exactement. Ça dépend comment tu le chantes et comment tu le dis. Mais si tu dis à quelqu'un l'expression « ferme ta gueule oui. », ça va. On va le prendre d'une manière vulgaire, etc. Ça va être... Il y a un ressenti un peu grossier. Maintenant, si tu le mets dans une chanson et si tu dis... Ferme ta gueule! Ah oui, tout doucement, c'est... comme ah, ça! C'est... Tu vois, il y a un côté humoristique et il y a un côté, ça prend un sens tout de suite qui est joli. Et ça fait autant de bien. Et ça fait autant de bien, voilà, exactement. Si tu étais une époque? Une époque? Je pense peut-être les années 80. Bon. Encore une fois, parce que c'était. Et t'avais 17-18 ans? J'avais, ouais, les années 80, j'avais. Alors attends, en 85 j'avais 10 ans. En 85, ah ok, mais t'étais tout. J'étais petite quand même, je suis née en 73. Oui. Okay. Donc, ok. Ouais, j'avais 12-13 ans, ouais, j'étais préadolescente. Okay. Et c'était vraiment une période sympa au niveau musique. Les gens bougeaient, il y avait une ouverture d'esprit. Okay. Et puis on découvrait les talents autrement que par la télé-réalité et par les jeux stupides qu'on nous sert, et puis les jeux, enfin voilà, les trucs à la con qu'on nous sert à la télé, préfabriqués. Il y avait vraiment une découverte des gens. Les producteurs et les maisons de disques se déplaçaient voir les gens en concert avant. Ils allaient les voir. On parlait d'humain à humain et on découvrait des talents comme ça. Je pense peut-être les années 80, ouais. Toute cette période 80-90, après... Non, mais rien que pour ça, ouais, les années 80. Ça vaut la peine. Ouais. Si tu étais un mot... Un mot? Oui. Fais chier. Non, ça, c'est une expression. Non, une expression, oui. Un mot... Oh là là là là. J'aurais dit merde, mais... Parce que c'est un truc que je dis souvent. Ah oui, pourquoi? Pourquoi tu dis merde souvent? Merde, je dis merde alors, merde. C'est un truc que je dis souvent. Ce serait, si j'étais un mot, ce serait forcément un truc que je dis souvent ou peut-être un gros mot comme putain, merde. Ok, c'est une exclamation, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose que je dis assez souvent sans pour autant être... je pense pas parler comme un chartier ou être vulgaire pour autant, mais... C'est des choses qui reviennent. C'est spontané. Si tu étais un aliment. Un aliment, les pâtes. Ok. Une pâte. Spaghetti, macaroni, tout ça. Les pâtes, parce que c'est mais ce que sans je préfère. Sauce. Sans la sauce. Non, avec le plus de sauce possible, okay. Avec du parmesan partout, avec de la viande hachée. Ok, t'es pas végétarienne. Ah non. Ah, c'est bien. Pas végétarienne. Ah non, mais je préfère. Non. Si tu étais une saison. Une saison? Mmh. Oh, l'été. Mais plus ensoleillé que maintenant. Plus ensoleillé que maintenant, parce que c'est vrai que je suis une mob, mon côté méditerranéen encore, j'aime pas le froid. Et alors le Québec, au mois de janvier, oublie. Hein. Alors fais pas de tournée au mois de janvier. Justement, ce que j'allais dire, hein? j'aime pas le froid à Paris. Okay. À Paris, quand il pleut, c'est dégueulasse. La neige à Paris, c'est dégueulasse. T'as de la gadoue partout, les voitures, la neige, elle est noire, elle est marron, c'est moche. Par contre, j'imagine que dans un chalet à la montagne, par moins 10 degrés, avec une belle montagne enneigée, de l'oxygène où tu respires, un beau feu de bois, une cheminée et puis une bonne bouffe, là j'apprécie l'hiver. Là c'est acceptable. Là j'apprécie l'hiver. À Paris, non, c'est dégueulasse. À la campagne, c'est sympa l'hiver. Si tu étais un membre corporel. Mes mains. La main. Pour écrire, pour la main, pour écrire. Pour serrer la main, côté humaniste. Exactement. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée, le soir, à l'heure de l'apéro, vers 18-19h. OK, où tout commence à relaxer. Ouais. Tout le monde décompresse. On déstresse un peu. C'est ça. À cette heure-là, ouais. Okay. J'aime bien ces moments-là où on se retrouve entre amis vers 18-19h, à une terrasse de café ou chez quelqu'un. Pour se poser, boire un apéro, discuter, changer des idées. Je suis très apéro, bonne bouffe, moi. J'aime bien ce genre de choses. Se faire plaisir. Ouais. Si tu étais un autre individu. Un autre individu connu, pas connu? Un autre individu. Je sais pas, j'ai envie de te citer une chanteuse que j'adore. Oui. Mylène Farmer. OK. Encore aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime, cette femme? Encore aujourd'hui? Ah oui, oui, oui. Tu sais que c'est une Québécoise à l'origine, elle est née à Montréal. Elle est née à Montréal. Mais à l'âge de 3 ans, elle est partie. C'est urbain, c'est quelque chose qui... Ah ben c'est très urbain, pas plus urbain, non, là. Voilà, c'est ça, on est en plein dedans. Une petite interview dans le métro la prochaine fois, si tu veux. Avec Marcel Amon, je l'ai fait dans sa voiture. Ah oui? Ah oui, c'était... c'est ça, avant-hier. Excellent. J'ai 10 questions. Oui. De la fin. Si tu étais un liquide. Un liquide? Oui. Oh, du sang. Pourquoi ton côté vampire? Ton côté... Vampire, je sais pas si j'ai un côté vampire, mais à liquide, charnel, je serais du sang. Ouais, c'est le côté charnel, le côté le sang qui bouillonne, qui peut-être. Qui... C'est mon côté méditerranéen, peut-être, okay. Je sais pas. Je pense que je serais du sang, ouais. OK. Si tu étais une ville... Une ville? Oui. Ben, j'ai envie de te répondre Paris, forcément. Tu vois, c'est magnifique, ce qu'on entend. Oui. Ça, c'est une œuvre symphonique. Dur à battre. Puis en ça sert strictement à rien de klaxonner parce que le gars peut pas. Mon compositeur arrangeur te dirait quelle note de musique ils sont en train de faire avec les klaxons. Arrivera à te dire là c'est un mi, là c'est un sol. c'est le silence. Ça fait du bien quand même quand ça s'arrête. Si tu étais une langue. Alors, est-ce que la langue parlée ou tu parles d'une langue de bœuf? Une langue. Ben, Dreyfus a dit il y a 2 ans, une langue de porc, parce qu'il adore le cochon. Donc, moi, je serais... alors, j'ai envie de... Je suis partagée, là. Une langue, je te dirais la langue française, parce que j'écris en français et que j'adore jouer avec les mots. Et que c'est une des plus belles langues. Enfin, c'est la plus belle langue qui soit pour écrire des... je trouve, en tout cas. naked as sin, an army towel covering my belly. Some of us blush, somehow knees turning to jelly. Next, next. I was still just a kid, there were 100 like me. I followed a naked body followed me. Next, next. I was still just a kid when my innocence was lost in a mobile army whorehouse, gift of the army, free of cost. Next, you're next, me. I really would have liked a little touch of tenderness, maybe a word, just a smile, some instant happiness. But no, no, next, next. Oh, it wasn't so tragic, the high heavens didn't fall, but how much at that time I hated being there at all. Next, next. Now I always will recall the brothel truck, the flying flags, the queer lieutenant who slapped our asses as if we were fags. Next, you're next. I swear on the wet head of my first case of gonorrhea, it's his ugly voice that I forever hear. The next, next, that voice that stinks of corpses, of whiskey and of mud. It is the voice of nations, that thick voice of blood. Next, next. And since then, each woman I've taken to bed seems to laugh in my arms and a whisper through my head. Next, next. All the naked and the dead should hold each other's hands as they watch me scream at night in a dream no one can understand. Next, next. And when I'm not screaming in a voice grown dry and hollow, I stand on endless naked lines of the following and the followed. Next, next. One day I'll cut my legs off and burn myself alive. Anything, I'll do anything to get out of line just to survive. I'm never to be next. Oh, never to be next, next. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, chouin, chouin. Il y en avait une qui s'appelait, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez les masseurs, elle invitait les premiers baigneurs à tâter du côté de son cœur en douceur. En douceur et profondeur. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, chouin, chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin. Cette manie, je lui proposais de partager ma vie. Mais dès que revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ses violons dingues, sinon elle devenait malingre. Un beau jour, j'en ai eu marre, c'était pique la mer à boire. Je le reflis en gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur. Adamo. Adamo qui chantait les mots d'Arnaud. C'est l'inverse, mon petit numéro 1. Oui. C'était pas Adamo qui chantait les mots d'Arnaud. OK. C'était Arnaud qui chantait du Adamo. Oh! La chanson la plus connue d'Adamo. De qui? D'Adamo. Celui-là, je ne le connais pas. Je connais Adamo. OK. Tu connais pas Adamo? Je connais Adadé, Adadé, Adadou. Adadé, Adadé, Adadou. Mais ça, c'est pas Adamo. C'est Gilles qui chante Adididou, Didididididou, Didididididididou. Mais là, c'est pas de lui qu'on parle. C'est d'Adamo. Le connais-tu? Attention, toi là, fais-moi pas. J'ai la mèche courte. J'ai la mèche qui baigne dans la méchanceté depuis le jour où je t'ai rencontré. Je vois que derrière ton regard, tu me prends pour une espèce de gros barbare. Un qui? Un gros barbare. Un barbare? Un gros barbare. Un barbare. Un gros barbare. Oh. Je ne suis point ce barbare. Je sors ce soir d'un bar. OK, lequel? Le bar. Le bordel. Oh, le bordel! Le bordel, c'est le bordel. Depuis presque 2 heures, c'est le gros bordel. Ou c'est le début du bordel? Ah, enfin, je mets Dell dans le bordel. Non, c'est le deal. Les Dell? Les Dell, je mets Dell dans le bordel. Qu'est-ce qu'un Dell? Un Dell, c'est de la lumière. Quand tu mets des... Mets-moi du vin, j'ai chaud. OK! OK! Alors, qu'est-ce que tu disais? Adamo. La chanson la plus connue d'Adamo, c'est... Tombe la neige... Fais-moi le wa-wa-wa. Attention. Wa-wa-wa-wa. Wa-wa-wa-wa. C'est bon, mais attendez, ça va être meilleur. Tombe la neige... Wa-wa-wa-wa. Wa-wa-wa-wa. Tu ne viendras pas ce soir. Wa-wa-wa-wa. Wa-wa-wa-wa. Tombe la neige... Wa-wa-wa-wa. ma vie semble descendre du désespoir. Petite Kaline. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait des wawa. Ça va bien, toi? OK. Petite, elle me dérange. Là. Ben oui, elle est Kaline. Ben oui. Kaline, ma Kaline. Wawa, wawa. OK. Douce Kaline. On la paye pas. Viens dans mon existence. L'oiseau sur sa branche. C'est du succès. Tombe de solitude. Tu ne viendras pas ce soir. C'est mon cri, mon désespoir. OK. Ça sent-tu qu'on n'a pas de budget? Ben, ça sent qu'on n'a pas de talent. OK. Talent, budget, c'est pas toujours associé. Madame, pouvez-vous dire, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? On se calme. J'ai l'œil qui titille. J'ai la brindille qui coule. J'ai l'allergie à bout de bras. L'allergie à bout de bras. C'est très simple. Je vous dis, là, 40 livres d'allergie, élevez-vous. Puis là, il y a l'humus qui rôde autour de l'airain, qui lui envoie des rayons polluants. Puis ah ouais, éternue, mon champion, éternue, c'est maintenant le moment. Le moment s'invite à nous. Hey, c'est bon la liaison, c'était pas prévu, rien n'est prévu dans cette émission-là. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Merci, madame. Tombe la neige. Allô? On l'a plus, là. Ouais, on a arrêté après 18 wawa, c'est un chihuahua. Amène-moi le chihuahua. Chihuahua, dis wawa. Hey, c'est bon? Pourquoi on ne s'est jamais acheté à mon émission un chihuahua? Parce qu'on n'a pas assez de grande litière. Litière, ben oui, l'endroit où il peut envoyer ses petits cadeaux. Ses petits cadeaux? C'est pas ça, ses petits cadeaux? Non. Ça dépend. Des fois, c'est pâteux. Des fois, c'est... Le moment s'invite à nous. Excusez-nous. Ça dépend ce que tu manges. Je mange la chenoute depuis le début de ma vie, moi. Puis on m'a dit, tourne jamais à droite. C'est un mauvais choix. Quoique, des fois, on n'a pas le... On l'a toujours. OK. Fâche-toi pas, toi, là, mon énergumène à deux pattes. J'en connais à quatre pattes qu'ils sont vus être... Scier les pieds. Envoyé comme ça dans un sarcophage non cloué, tiré dans un lac, trouvé par la FBI. OK? C'est-à-dire les fidèles brebis intellectuels FBI. Voyons, là, c'est pas ça que ça veut dire, là. Ben oui. Oh oui. On ne l'a jamais annoncé comme ça, là, mais ici, on ne dit que la vérité. Mais le FBI, c'est... C'est ça. Le moment s'invite à nous pour une alors inédite. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons séchoir vers les couloirs de l'improvisation avec ce fil Ariane narratif. La mer en meurt de se mouiller aux vagues qui moussent de rive en dérive. Elle se retrouve avec des millions de bouteilles tirées dans sa mère. Depuis autant d'années, est née dans son cœur l'amertume. Pourquoi, tout simplement? Ah, moi, je sais. Ça, c'est la mère qui parle. La mère, M.E.R. OK. Je sais qu'aucune de ces bouteilles que je garde dans mon corps ne sera libérée aux rives de la vie. Oh! pour que des cœurs se rencontrent, que des spasmes se libèrent et que des enfants naissent. Des enfants naissent, mais de ces messages tirés à la mer. Moi-même, la mère. Oui, la mère est mère. La mère. Moi, je suis une mère et mère. Oui. Moi-même, la mère. Oui. Je vais. C'est les allergies. Ça va très mal. On coupe pas. On coupe pas. La mère est mère. Tu es allergique à la mère? Allô. OK. On va pas appeler la mère, OK? Non. Allô, la mère? C'est moi. C'est moi, la mère. Alors, moi, avec les bouteilles, je m'amuse. Je ne les fais jamais casser ensemble. Jamais. Je les regarde, je les envoie de haut en bas, de vague en vague. Allalou, allali, allalou. La mer qu'on voit danser. On peut-tu la faire avec ça? La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. À tes reflets d'argent. C'est là que ça se gâte, là. Mettez vos bouchons à 45 degrés parallèles aux oreilles. Vos narines doivent rester claires, comme la mer. S'il vous plaît, ne pas larmoyer, puisque ça ferait tomber les bouchons, puisque ça dilate l'oreille. Voyons donc, les larmes dilatent l'oreille. Ben voyons, depuis quand la larme ne dilate pas? Ben ça dilate l'émotion. Ça, c'est vrai. Ça dilate la tendresse. Ça, c'est vrai. Ça dilate la douleur. Ça, c'est vrai. Ça dilate la vérité. Ça, c'est vrai. Ça dilate le mal de vivre. Ça, c'est vrai. Messe des pas, lampe d'Orien. Le jardin, je préparais le jardin, je pends ma fable aux plantes. La pasta, merci, en hauteur, tourbe tournante, caresse à temps, pleure trop tentant, chiquet d'endure, craché dans l'urbain de chez Minou qui perd son sang maintenant. Notre temps phobe, les klaxons me l'auront de cent ans, bon temps des cœurs des sauts. Sous petit la paix, un somme de fin crack dans pagaille, d'un bébé quatre tapes dans l'assiette à ton voisin, puis tu chanteras au stanlet. Oh là là là là, c'est une d'amour. Oh, moi non, chante-toi tes crocettes, tes beaux becs, tes sonnets fausses dans les mourants s'embrassant. C'est un party de petites offenses, claquant dans ses partances, tombé d'enfance, chappé dans des spags à venin rosé. Les rubis du monde au collier, les rubis du monde au fjord, et les passés dans un bochot, dans un songe bassin qui tourne sur con. C'est un saut fatigant comme des scènes, pogné d'un crispant là. Beden, ça déferle en gang, cling. Ah, rentre et sort, prends ta perche pis tes ressorts. Flac, pitch d'un bord, en cadence c'est parti. Petit, chac, fuck t'es dans les shit shake, comme un gardon ça. Un moment dans ta tête, pis j'avais des jaunes pièges. J'avais des jambes tentant, laissant le nez rouge, laissant bouteille, serrant les dents, porc et sang pour connerie. Bambé, belle, la plaque qui s'attaque pour cent de MacFaco. Ça fait rire ma tante, sourire sur une banque, moi je décrasse direct dans ce temps-là. Chant des rodures, perdure, bras, fleurs à plumes, sort des portes, sort des flaques pour les cheveux gris, bord de la suite, ton nom, dans bassine, carabore, assort de bine, carabine, dans robine, claque les poules, dans fermeture, aérobie, tiflot fou sur tes rapides, les bouclettes et puis les promesses, rapport débarque quand tu t'en vas. J'ai tant de mal à bel amour, appartement, tes nouveaux meubles pis ton divan, ensemble, paquet et ses mains, je te fais des enfants, ben oui, mais ensemble. Mêlant dans l'échelle vers la lune de Carobie, achète-moi du bon bien dans pour la gorge de ces petits enfants qui sont beaux, qui sont bons, je suis barré de la lune, moi et le clodo. Dans sa nuit, il sent pas bon, pirate ange qui se torche pas de couche et dur comme une bonne souche, tout debout, petit cadence du genre et en chantant. La la la, les citrouilles sonnent, la la la la, fourrière dans police, je voguais dedans la manche ample, pis tôt dans ce temps-là, purée rance, vieux en neuf, tout en blat, t'attends ta note, ta douzaine de tes hommes, le ta petite barque pour pourri, sens-tu par Adam? Sa petite engeance, verru dans zéro, t'en ventre, partez, santé pour les beaux lacs. Cuilleront-tu, ritez sur les dents, tendu vers les fleurs et les petites avances, grimpant les marches vers les nuagés. Veux une place, content que tu caches sa visa, pis sa map est sans d'être pas la manche, la grenade, si t'es postillon, cartel d'ombre et bouchon, les pitons, pris très bas sur les nouvelles, tant tes sourires sauf pantalon. Plot, plot, l'argent d'elle t'écrasant, le voleur dans sa tournée des poubelles parce qu'il s'est pas rendu parasite à paradis, un port le champ sa place, gommé d'or, gorgé dans ce temple, mort à tube qui sourit, se rit mes rimes arrêt, beau, beau, beau, beau shit, shit, shit Gotichon, Gloria, Gloria, la musique et la cigarette au bec séparé dans le trou, je danse gorosa, gâteau, frotté dans le tantôt, follet dans le palco d'Algonie. Libre pour une fille, pour un lac, pour une ride à dos, le pack, ça gratte. Les barreaux à portée de main, Édouard à temps plein. Sur des ponts, sur des ponts, sur des chalots, par ressort des diapasons, diamants, des versants, des titirants. À chaque aurore. Vraiment, c'est en toute objectivité. C'est une des plus belles langues vraiment qui soit pour écrire des chansons, parce que la langue française, tu lui fais dire ce que tu veux. Ouais. Il y a des jeux de mots, il y a des consonances, il y a des sons, il y a une musicalité qui est très agréable. Aimes-tu travailler sur la métaphore? Aimes-tu amener le double sens de... Ah, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. C'est vraiment un de mes penchants justement quand j'écris, c'est de dire parfois deux, trois gros mots et puis de faire de... Un côté poétique Tu sais qu'il y a un côté poétique dans les dans le mot connard ou dans le mot merde. Il y a un côté poétique aussi. Effectivement. Ça dépend comment tu l'apprêtes. Exactement. Ça dépend comment tu chantes et comment tu le dis. Mais si tu dis à quelqu'un l'expression ferme ta gueule, on va le prendre d'une manière vulgaire, etc. Ça va être il y a un ressenti un peu grossier. Maintenant, si tu le mets dans une chanson et si tu dis ferme ta gueule. Ah, oui, tout doucement, comme ça. Tu vois, il y a un côté humoristique et il y a un côté, ça prend un sens tout de suite qui est joli. Et ça fait autant de bien. Et ça fait autant de bien, voilà, exactement. Si tu étais une époque. Une époque. Écoute, je pense peut-être les années 80. Bon. Encore une fois, parce que c'était. Et tu avais 17-18 ans. J'avais, ouais, les années 80, j'avais. Alors attends, en 85 j'avais 10 ans. En 85, ok, mais t'étais... J'étais petite quand même, je suis née en 73, oui. Donc okay. Ouais, j'avais 12-13 ans, ouais, j'étais préadolescente. Okay. Et c'était vraiment une période sympa au niveau musique. Les gens bougeaient, il y avait une ouverture d'esprit, et puis on découvrait les talents autrement que par la télé-réalité et par les jeux stupides qu'on nous sert, et puis les jeux, enfin voilà, les trucs à la con qu'on nous sert à la télé, préfabriqués. Il y avait vraiment une découverte des gens. Les producteurs et les maisons de disques se déplaçaient voir les gens en concert avant. Ils allaient les voir. On parlait d'humain à humain et on découvrait des talents comme ça. Je pense peut-être les années 80, ouais. Toute cette période 80-90, après... Non, mais rien que pour ça, ouais, les années 80. Ça vaut la peine. Ouais. Si tu étais un mot... Un mot? Oui. Fais chier. Non, ça, c'est une expression. Non, une expression, oui. Un mot... Oh là là là là. J'aurais dit merde, mais...

relents d'une vie bien enfouie. Si l'or est or, mais non l'or, tu pues ton verre, mais sans des mots, attendant un son d'or. Bah, j'adore son univers, j'adore la personne, j'adore la femme, j'adore le. Les transformations, j'adore voilà, sa manière de parler, son mystère, le mystère ouais, qu'elle c'est dégage. Ça. Ouais. Elle est fascinante, voilà. Est-ce que tu la racontes? Bah non, malheureusement, mais j'aimerais bien. Alors, c'est un appel. C'est ça, faut ouais. que tu lui dises, Reynald, si tu la vois, Bélène, je m'appelle Bélène, Mylène, je vous aime, je veux vous rencontrer. Crois-tu qu'il y a peut-être. À un moment donné, tout ça va s'arranger, tu vas pouvoir la rencontrer. Est-ce qu'il y a une certaine... Alors, écoute, comme je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui fantasme beaucoup, j'ai écrit des textes en pensant à elle. OK. Avec les mélodies, tout ça, j'ai tout ça en tête. Et si un jour je la rencontre, oui, j'aimerais lui faire ce cadeau remettre, et ouais. voilà, lui proposer ouais. ce que j'ai parce que j'écris aussi, je suis auteur, j'écris pour d'autres artistes et je travaille avec une équipe avec qui on écrit. Et voilà, qui font les musiques. On m'a demandé d'écrire, moi, pour d'autres artistes. Okay. Donc, qui okay. Je peux pas t'en parler okay. maintenant, okay. c'est okay. confidentiel. Je te, okay. le dis, je te le dirai volontiers plus tard. Okay. Mais c'est vrai que je peux pas en parler maintenant. C'est, tant que c'est pas fait, je peux pas en parler. Mais voilà, j'espère que ça va marcher, aboutir. Et puis voilà, et puis Mylène, effectivement, c'est quelqu'un que j'ai dans la tête assez souvent parce que je trouve que pour beaucoup de choses, c'est un exemple. Là. C'est ouais. un exemple à suivre et je suis admirative quoi, de cette personne. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Je me suis jamais posé la question. Peut-être qu'il y a des choses que je changerais. Peut-être qu'il y a des choses que je changerais, peut-être des opportunités que j'ai... Au niveau professionnel ou amoureux? Au niveau amoureux, non, il n'y a rien que je changerais. Okay. Il n'y a rien que je changerais parce que j'ai eu la chance d'avoir un gamin exceptionnel. Donc, si je changeais les choses et si je souhaitais ne plus rencontrer la personne avec qui je l'ai eu, je ne l'aurais pas, mon fils. Donc, forcément, non. Mais il n'y a rien que je changerais. Il n'y a rien. Professionnel. Au niveau professionnel, il y a peut-être des choses que je modifierais dans mon comportement ou dans la timidité que j'ai pu avoir devant certaines opportunités que j'ai pu louper. Ah. Faute de confiance en moi, etc. Faute de... Parce qu'à la base, je suis quelqu'un de très très timide et de très introverti. Même si je sais que j'ai pas l'air comme ça parce que j'adore discuter avec les gens et tout ça, mais je me suis pas sentie toujours légitime dans ce que je faisais. Est-ce que ça complique ton travail? Aujourd'hui, non. Okay. Parce que je suis avec une super équipe qui m'a vachement motivée, qui m'a dit Bélène, tu es musicienne, tu es auteur, sois légitime dans ce que tu fais, sois contente de ce que tu fais et avance, sans te poser de questions. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai souvent été confrontée au fait de dire est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ouais mais c'est peut-être pas bien, ouais mais c'est nul ce que je fais, ouais mais il va pas aimer. Ah ouais, c'est l'insécurité. L'insécurité, ouais. Voilà. J'ai pas toujours eu beaucoup beaucoup confiance en moi et je me suis pas toujours sentie légitime. Mais ça s'est modifié avec les années. Ça s'est un peu modifié avec les années, ouais. Nous aurions pu commencer par cette question-là. D'où vient ton prénom Bélène? Alors, le prénom, en fait, c'est... Est-ce que c'est bien prononcé, Bélène? Oui, c'est okay. très bien prononcé. C'est en espagnol. OK. Et ça veut dire Bethléem en espagnol. OK. Voilà, la ville de Bethléem en Israël. C'est mes parents qui m'ont donné ce prénom-là. Et il y a beaucoup de Bélène en Espagne. OK. Mais ici, très peu. Très, très peu. Mm-hmm. Alors, j'ai fait des recherches et à une époque, on était deux. Il y avait une Bélène qui était russe. OK. Bélène Canovas, elle s'appelait, qui était la fille d'un architecte russe. Et on a aussi une comédienne sur Paris qui s'appelle Bélène Lorenzo, okay. qui fait une pièce de théâtre en ce moment, voilà, sur Paris. Est-ce que tu l'as rencontrée? Non. En fait, Bélène. Je l'ai demandé sur Facebook, elle n'a pas accepté. Ah. Donc, voilà. Bon, écoute. Pour l'instant, c'est voilà. ça, c'est moi, ça me faisait plaisir d'avoir une autre Bélène. Voilà, elle s'est sentie froissée, elle croyait être la seule. Bah peut-être, mais moi, tu vois, comme je suis partageuse, voilà, je me suis dit, chouette, on est deux à s'appeler comme ça, et ça m'aurait fait plaisir de la connaître, surtout qu'elle est blonde, c'est l'opposé, le yin et le yang. Voilà, et j'aurais trouvé ça sympa, mais elle ne m'a pas accepté, donc je n'ai pas insisté. Alors, bref, ce qu'on peut faire, c'est te suivre sur Internet, sur Facebook, sur MySpace, j'enverrai les liens sur mon site officiel. Ouais. You know this. Where have you gone again, my sweet? Everybody wants to know. Where have you gone again, my sweet? Everybody wants to know. Where you gone? Where you gone? C'est la fête, c'est la fête, et nous sommes invités! Merci, Bobino Barneau. Ça, c'est le frère de Bert Benno. Bas les chaises et tombe les tables. Viendra le jour où les tables amènera le galop. Déjà, tu verras. Là, j'ai une phrase qui me coupe l'imaginaire, qui se dit comme je l'ai écrit. Ah ouais, dis-le puis écris-le. Non, je l'ai déjà écrit il y a quelques mois. Lors du Radioton de CKRL, j'ai eu un succès. Ah, je sortais de la station, là. Je serrais des mains, les gens. Qu'est-ce que tu fais? Je serre des mains, là. Je viens de finir l'émission de radio. On te connaît pas. Ben oui, l'émission de radio, qu'est-ce qui se passe? Mon nom est Gagné. J'ai absolument rien gagné. Mon prénom, c'est Rénal. J'ai animé toute la nuit. J'aimerais ça serrer des mains. On te connaît pas, là, si tu peux. C'est trop... aujourd'hui, on peut pas serrer les mains sans savoir si tu nous transmets des maladies. Des maladies? Voyons donc, oui. La seule maladie que je connais, c'est la maladie d'amour. Qui court dans les cœurs des enfants de 6 à 77 ans. Ils chantent. Elles chantent. La rivière insolente. Qui dégouline dans mon lit, des cheveux blonds, des cheveux gris. Dégouline dans mon lit, voyons donc. Ah non, tu chanterais pas du Michel Sardou, là, non, non. Elle court, là, mais c'est le Barbara masculin. Oh, OK. Est-ce qu'on peut l'entendre? Comment il s'appelle? Il s'appelle Barbare. Oh, Barbare Gagné. Elle court, là, à la tête de mon cœur. 1975 ans. Êtes-vous certain? Ah oui, il a vécu. Écoutez-moi ça, ça va. Ben voyons donc, c'est pas écoutable, ça, là. Hey, c'est de l'émotion à l'état pur. Qu'est-ce que tu connais à l'émotion, toi, là? Du préfabriqué, là. C'est pas du Johnny Bobby B, ça, là, là. C'est pas du Elvis Presque Presley, ça, là, là. C'est de la vraie interprétation. Le gars va mourir sur scène pour toi. C'est le Molière des chanteurs, là. Écoute le nom. Ah, mais ah, non, c'est assez pour nous, là. Il nous reste encore deux auditeurs. Restez des nôtres, hein. On va avoir de la musique. Oui. C'est toute une musique, oh mon, sous le Charles Trenet des Charles Bonnet. De double tour, en quadruple la mise. Moi, quand j'ai écrit ça, c'était un moment très sombre. Ma veilleuse avait pété, oh mon dieu, ma femme avait pété, oh, mes enfants pétaient des bulles, et moi, ma cellule était ouverte. Donc, je me suis sauvé à double tour, en double tour, au quadruple amour. C'est de la chenoute, ça, là. C'est du pré-gris. Oui. C'est du pré-jaune. C'est du pré-fini. Non, c'est du pré-vert. Ah, bon. Vas-y, un autre. On lui laisse une dernière chance, public. Sinon, on va aller à la musique. On va le laisser sécher, là. Il a besoin de, au moins, on va le placer au four, hein. Avec du fromage. Il va non, c'est pas ruisselé. C'est quoi, avec du fromage, c'est fermenté. Il va fermenter. Ah oui, ça, j'ai eu un succès bœuf avec ça. Quand le succès... Quoi que j'aime, je préfère le poulet au bœuf, parce qu'un poulet pas de tête, c'est-tu plaisant? Ça fait penser à une chanteuse québécoise. On peut pas la nommer, là. Quoi qu'il y en a plein françaises aussi, des poules pas de tête, là, mais québécoises, là. On peut chanter une petite chanson de... Là, ils vont nous actionner. OK. René! Alors, on va appeler René. René! Ah, ouais, c'est moi. OK. René? Yes, attends. Hein? Ah, ouais, c'est moi. Mais mon dieu, qu'est-ce qui se passe là? Attendez. OK, là, excuse-moi, mon René, j'espère qu'on t'a pas réveillé, là. Oui, c'est moi. OK. On veut pas parler de ton artiste, là? Oui, c'est moi. OK, c'est toi, là. En fait, on l'aime pas. Oui, c'est moi. Oui, c'est toi, on l'aime pas, puis on veut pas l'aimer. Oui, c'est moi. Oui, c'est toi, mais est-ce qu'on a le droit de ne pas l'aimer? Oui, c'est moi. OK, c'est toi. Bon. Et c'est sûr qu'on ne se trompe pas avec toi. C'est bien René? Oui, c'est moi. Bon. Moi, c'est Renal. Est-ce que tu connais... Oui, c'est moi. Oui. Je pense qu'il est tilté là-dessus. C'est pas un message enregistré, non? René? Oui, c'est moi. Non. Ah, c'est lui, il nous le dit. Il ne pourra pas dire le contraire. Tu connais ta chanteuse, toi? Oui. Bon. Tu l'aimes, toi, hein? Oui. Tu l'as même mariée, hein? Hein? Hey. Hey, tu fais de l'argent, hein? Hey. C'est pas de ta faute, là. Quoi, tu l'avais... À un moment donné, t'as échappé de l'eau chaude, puis... Ah! Donne-moi, c'est ça. Hey. Ah, c'est des trucs, hein, pour révéler une chanteuse, là. En fait, une chanteuse gueuleuse, là. René? Hey. On va te laisser là-dessus, OK? Hey. On demande de se faire actionner. Quand le soleil fait le glamour au compte d'épargne... Oh! Quand le soleil fait le glamour au compte d'épargne, surtout le compte d'une personne qui est encore vivante, mais qui ne peut plus gérer son argent, et qui, devant cet être, tourne des vautours et des hyènes, qui attend le moment d'agripper autant de blé. Le temps de blé est arrivé. Toute la mémé se cache pour mourir. Nous pourrons la diviser. Qui, la mémé? Non, le blé de la mémé. En décomptant son temps de vivre. Nous réparerons notre logis. Lui fera l'apologie de sa mémé. Nous chercherons à gagner du blé, tandis que lui verra la mise filer sous ses pieds. Bon attendeur, salut. Salut, non, mais les gens peuvent pas comprendre s'ils ont pas le lexique de toute cette structure. Mais quand le soleil fait le glamour au compte de banque, tu sais, des petits clins d'œil. faire. Moi, je suis peut-être pas intelligente, là. J'ai pas toutes les ressources naturelles pour avoir quelque chose qui va m'amener plus loin dans la vie, là. Mais j'ai de l'argent, là. Ouais, ben puis... Ben puis, on peut s'amuser. Ouais, mais à part ça... Ben c'est bien de s'amuser. Ouais, mais il faut aller plus loin. On va aller où tu veux, j'ai de l'argent! Oh oui, mais en dehors de ça, intellectuellement parlant, vers où pourrons-nous décrire une autre vision de l'existence? Hein? Vraiment, à la cabochon, moi, j'ai le cabochon pas mal qui vibre. Qui vibre sous des intensités impalpables. Je sais même pas ce que je viens de dire là. J'écoute des émissions des fois qui me dépassent et je cours en avant, je le vois en arrière, moi. C'est comme mon ombre qui me précède, moi. Tu sais que Lucky Lucky, là. Non, c'est Lucky Luke. Lucky Luke. Plus vite que son ombre. Moi, mon intelligence s'est arrêtée là derrière moi, puis j'avance, puis lui, il reste en arrière, puis il me demande des fois, est-ce qu'il va me rattraper? Hein? On va-tu un jour communiquer, là, pour avoir une consonance, là? Une vibration, là! Ah non, pas dans ton cas. Non, ouais, mon cas est très désespéré. Mais moi, j'aime ça, la désespérance, parce que ça crée quand même l'émotion. Quand tu désespères pas, qu'est-ce qui arrive? Ben, t'es positif. Ouais, le positivisme. Ben là, ça amène une joie de vivre, et puis la joie de vivre. Ben écoute, les poètes n'aiment pas trop ça, parce qu'il faut remuer. Et quand on remue, ben moi, je te dis qu'il y a, qu'il y a trois recyclages. OK. Il y a le vert. OK. Le bleu. Oui. Et le brun. Le brun, ça, c'est quoi? C'est le compost. OK. Et quand tu compostes, ben, t'attends. T'attends quoi? T'attends que ça fermente. Puis quand ça fermente, tu dis, quand ça fermente, je bande. Quand ça fermente aussi, je bande aussi. Quand ça fermente, encore, je fermente. Et quand je fermente de plus, mon dos, la raison ne vient plus. La fermentation, papa, ça déconstipe un gars. Ça dit qu'on se type, non, ça oui, et oui, c'est ça, je peux pas aller plus loin, mais non, ben vas-y. OK, fermez l'enregistrement, la couche est pleine. Let's get high. un site internet aussi. Oui. Tout ça sera sur mon site officiel. Et peut-être même voir ton clip, voir tes ce que tu vas proposer à tes fans dans les mois et les années à venir, parce que tout est en préparation. Tout est à venir. Tout est à venir, et je pense que ça va venir vraiment rapidement, parce que là, on finit l'album cet été. Je réattaque les concerts dès septembre, peut-être pas forcément sur Paris. Mm-hmm. Mais préparer en banlieue avant d'arriver. J'ai envie d'aller aussi en province, en banlieue, et puis à Montréal aussi. Ben j'ai très envie d'aller là-bas. Mais ton copain s'occupe de ça, c'est ça? Ouais, mon manager, ouais. Stéphane, on a le projet effectivement d'aller là-bas. Okay. On aimerait bien aller là-bas parce que j'ai parlé à d'autres Québécois en fait, d'autres personnes qui habitent à Montréal, dont la chanteuse dont je te parlais tout à l'heure, Sarah, qui était assez d'accord avec moi pour dire qu'il y avait un public là-bas qui est super réceptif. Les chansons d'auteur. Très ouvert et très communicatif. Ouais. Et c'est important pour moi parce que parfois, comme je te disais, le public parisien est un peu sélectif et frileux. Comme je te disais, il y a beaucoup d'offres. Hein. Voilà, ouais. Et c'est vrai. Mm. C'est vrai. Peut-être qu'ils ne savent plus où donner de la tête et qu'ils se disent oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que. On la connaît pas celle-là. Exact. Mais c'est de franchir tout ça. Voilà. Mm. Et j'ai très très envie d'aller là-bas. Ça m'a toujours attiré d'aller là-bas. J'ai envie d'aller proposer mes morceaux là-bas, au public québécois. J'ai envie. Ben, Belle-Hélène. Donc si tu m'invites, je viendrai. Ben, Belle-Hélène, on se le souhaite. Il y a des gens qui écouteront ces chansons-là. Ils seront interpellés, donc ils communiqueront avec toi. Et merci de t'avoir déplacé pour nous rencontrer. Et on te consacre 3 semaines d'émission avec grand plaisir. Ah ben super, ben, merci beaucoup. Et on se retrouve à Paris ou à Québec ou un peu partout sur la planète. Ah ben un peu partout sur la planète, j'espère, mais au Québec, ouais, bientôt, ouais. J'aimerais beaucoup, hein, vraiment. C'est un pays qui m'attire et je sais pas, je ressens un truc, je sais pas. Il y a un truc qui me dit, faut que t'ailles là-bas. Ça viendra. Il y a une petite voix qui dit. Oui, ben ça viendra, Belle-Hélène. Oui. À la revoyure. À la revoyure. Salut. Merci, Rénal. Sorry. ne sais d'où viennent mes rêves et mes envies. Quand vient la nuit, le mal me prend, le mal a pris. Au gré de son vie, je suis un zombie, hein. Mais je ne sais comment faire pour résister à ce dessert sucré salé, là sur l'oreiller. Je laisse couler et je laisse aller. J'envoie un beau comme un camion, je lui arrache son pantalon à la sauvage. En quelle image! Et c'est à genoux en prière que je m'offre au nerf de la guerre. Mais quel est ce mal qui m'habite? Délivrez-moi du mal, de leur candeur infernal, de cette odeur animale. Ma faiblesse abyssale, des splendeurs du bacchanal. Je me sens bien quand ils sont mal. Le mal est fait, oh tellement bien fait, comme de la glace entre mes doigts. Je la façonne, là je t'attends, et Dieu je frissonne. Polissonne la nuit, le jour s'échasse à coups, à corps à cri, sans interdit. La proie je guette et je m'entête. Le mal est bien malin, oui c'est un diablotin. Et c'est à mon corps dépendant que je ruisselle obstinément l'envie de vivre. Je me sens ivre. Ne joue pas les bêtes obscures, les oiseaux de mauvais augure. Y'a pas de gêne dans le plaisir pur. Délivrez-moi du mal, de leur candeur infernal, de cette odeur animale. Ça fait du bien là où ça. Ma faiblesse abyssale, des splendeurs du bacchanal. Je me sens bien quand ils sont mal. Chassant à l'air, mais moi en âge, je suis en rage. Pas la peine de philosopher, mais arrête donc de parler. Déshabille-toi, viens te coucher. Délivrez-moi du mal, de leur candeur infernale, de cette odeur animale. Ma faiblesse abyssale, des splendeurs du bacchanal. Je me sens bien quand ils sont mal. Je me sens bien quand ils sont mal. Je me sens bien quand. Ils sont morts.